Thank you. meilleur. Thank you. pas pour moi. Là ça va pour moi. Là ça va pour moi. De Tunisie, on ne va ici. De Tunisie, de Tunisie. Ça va pour vous mal, on a tout le bas, mais ma bouffe va, de toute la cible.